Ouais. Alors, on va vous faire un premier petit morceau pour, en hommage d'un ami qui est parti s'installer sur la Côte d'Azur, qui faisait partie du groupe, qui nous a lâchement laissé tomber. Mais on lui a écrit quand même une petite chanson pour une spéciale dédicace pour lui. Alors, on va vous la faire écouter. Ça s'appelle Le Passage, ouais. En deux mots. Ouais. C'est d'alléchant, c'est vite une habitude. Le problème, c'est...